Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un guest magnifique, Monsieur Boudère. Salut tout le monde, ben voilà, je suis super content de participer à Galère d'humoriste. C'est ça, merci beaucoup. Donc moi, ça fait un peu 20 ans que je suis sur scène et que je fais plein de choses. Et bon, des galères, il y en a eu. Il y en a une qui était magnifique, je me rappelle. Un jour, c'était dans mes débuts, donc je commence mon spectacle, il y avait 9 personnes dans la salle. Ah, on a tous connu ça, ouais. Donc il y avait 9 personnes dans la salle et que des Japonais. Et le problème c'est qu'ils... Ils comprenaient pas le français ? Non, ils sont trompés de salle. Ils étaient venus voir jouer à côté du musée Grévin et ils croyaient que c'était le musée Grévin. Donc ils sont rentrés et je les entendais dire « Mais elle bouge là, la statue là. Elle bouge, elle parle !» Et à la finale, voilà. J'ai passé une soirée magnifique. Mais mémorable, voilà, c'est sûr. C'est ça, une c'est des sûr, galères c'est que sûr. J'ai eues, voilà. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas tous eu le luxe de jouer devant des touristes japonais qui venaient voir le musée Grévin. En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Donc, Boudère. Boudère, petit trait du bas, officiel. Et là, c'est voilà, pour tout, pour Instagram, Snapchat, Facebook. Ok. Venez nombreux, on raconte plein de bêtises. Avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.